Ok, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence maintenant le cours numéro 8 dans l'explication de tafsir surat al-Nisa, Cheikh Salah al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et on est toujours dans l'explication des points bénéfiques qu'on peut tirer des versets. Je pense que c'était de 5 à 8, si je ne me trompe pas, les versets. Attendez, laisse-moi juste vérifier. On n'est pas avancé loin là encore. On est encore au tout début. Donc, c'est à les versets de 5 à 7. Donc, on est arrivé au point numéro 18. الثامن عشر من الأحكام تؤخذ من هذه الآيات أن الميراث من مال القريب وأنه يشمل القليل والكثير وهذا أحد أسباب الميراث القرابة وهي أحد أسباب الميراث لأن الميراث له أسباب ثلاثة إما نكاح وإما ولاء وإما نسب والقرابة وهو القرابة نعم وإما نسب وهو القرابة والذي معنا الآن هو الثالث وهو الميراث بالقرابة. Mirathu, il qaraba. Donc ici, le cheikh, il explique maintenant le point numéro 18. Il dit que parmi les règles et les points qu'on peut tirer de ces versets-là, c'est que al-mirath, l'héritage, il appartient, ça fait partie des biens des proches, en réalité. Donc, ça appartient aux proches. Parce que c'est les héritiers, ils font partie des héritiers. Hein? Le mirath, c'est l'héritage. L'héritage. Et donc, il dit, ça comprend que ce soit une grosse quantité d'argent, que ce soit une petite quantité d'argent, ça appartient aux héritiers. Et les héritiers, c'est les proches. Une des catégories des gens qui héritent, c'est les proches. Et le cheikh, il explique que l'héritage, il a trois causes. C'est-à-dire qu'il y a trois choses qui peuvent faire en sorte que tu puisses hériter de quelqu'un. D'accord? La première, il dit, le cheikh, c'est un nikah, le mariage. Donc, le mariage, ça, c'est quelque chose qui fait que quelqu'un peut hériter d'un autre. Donc, ça, c'est une des causes. Le deuxième, c'est al-wala. Al-wala, si je me souviens bien, juste pour rafraîchir ma mémoire, mais al-wala, c'est lorsque, par exemple, quelqu'un a libéré un esclave, lorsque quelqu'un a libéré un esclave, eh bien, il va avoir, par exemple, droit d'hériter de cet esclave-là. Hein? Une fois que, si cet esclave-là, il meurt, une fois après l'avoir libéré. C'est la même chose que Al-Wala ou Al-Bara. Ouais. Attendez juste un instant. Donc exactement, c'est la même écriture que c'est ça. Donc le cheikh Al-Fawzan, il explique les asbab. Il dit asbab al-irth wa bayan al-waratha. Il dit al-irth huwa intiqal mal al-mayyit ila hayy ba'dahu hasb ma shara'ahu Allah. Donc il dit l'héritage, donc ça c'est dans al-mulakhas al-fiqhi, Cheikh Al-Fawzan, il explique que l'héritage c'est l'argent qui passe c'est-à-dire les biens du mort qui passent à ses héritiers qui sont vivants après lui, selon ce que Allah a légiféré. Et il dit Walahu asbabun thalatha. Donc il y a trois causes pour l'héritage. Awwaluha ar-rahim, wa huwa al-qaraba, donc les liens de parenté, hein, le fait d'être parmi les proches de cette personne qui est décédée. Wa hum qarabatun nasab, c'est-à-dire les gens qui ont un lien de proximité avec toi par rapport au lien de parenté. Hein. Et comme Allah dit, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Parce qu'à un certain moment donné, quand il y avait eu la hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait en sorte que chaque ansari prenne un muhajiri comme son frère. Puis, et à ce moment-là, il héritait même de lui s'il mourait. Mais après ça, ça a été abrogé. Et c'est ça que le verset ici, le verset 75 dans Surat Al-Anfal, c'est à ça qu'il fait allusion. Il dit « Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah ». C'est-à-dire que les gens qui ont un lien de parenté ont plus de droits les uns sur les autres dans le livre d'Allah par rapport à que par exemple les frères, la fraternité établie après la hijra par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été abrogé par la suite. Donc, après, il dit « Wassani al-nikah ». Donc, la deuxième cause, on a dit, c'était le mariage. « Wahuwa aqdu zawjiyya al-sahih. Walau lam yahsul bihi wat, wala khalwa. » C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on considère, qu'est-ce qu'on prend en considération par rapport au mariage ici, c'est le contrat lui-même. Même s'il n'y a pas eu de consommation du mariage, même s'il n'y a pas eu d'isolement entre l'homme et sa femme encore, si par exemple un homme il fait le contrat de mariage avec sa femme, puis il meurt ou elle meurt, eh bien il fait partie des héritiers elle aussi, parce que ils ont fini de faire le contrat de mariage, même s'il n'y a pas eu de consommation du mariage. Et donc il dit ensuite, wa al-thalith al-wala ul-atiqa al-atiqa. Wala ul atiqa. Il dit wa huwa usubatun. Wa sababuha ni'matul mu'tiq ala raqiqihi bil itq. Donc c'est ça que je disais tout à l'heure, que al wala, ça veut dire lorsque par exemple quelqu'un il a été l'esclave d'une personne et que cette personne l'a libéré, eh bien lorsqu'il va mourir, son ancien maître qu'il l'a libéré devient un de ses héritiers à cause de la grâce du fait que son maître l'ait libéré. Donc ça fait en sorte que il puisse hériter de lui. Il dit wa yurithu biha min janibin wahidin faqat, d'un seul côté, il hérite seulement d'un seul côté. Et non. C'est ça. والمعتق يرث من عتيقه دون العكس. Donc c'est le maître qui a libéré l'esclave qui hérite de son esclave et non pas le contraire. C'est pas l'esclave qui hérite de son maître. C'est dans un seul sens seulement. Et ainsi de suite. Donc et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith sahih rapporté par Al-Bukhari et Muslim, innamal wala'u liman a'taq. Innamal wala'a liman a'taq. Donc, al-wala, c'est seulement pour celui qui a émancipé l'esclave. Donc, ça, c'était juste un point que je voulais clarifier par rapport à cette question-là, pour que je sois plus certain par rapport à ce point-là, parce que al-wala, je l'ai lu il y a un bon bout de temps, mais je voulais juste vérifier en même temps. Et ça rajoute un peu plus de clarification aussi, par rapport aux causes, qu'est-ce qui fait que quelqu'un hérite d'une personne. Donc ça, c'est les trois causes. D'accord? Souvenez-vous de ça, c'est important. L'esclave libéré, le mariage et les liens de parenté. Okay. Non. Donc vous voyez, ici, il les a mentionnés dans un autre ordre. Il a dit « Nikahun wala'un wa qaraba ». Alors que dans l'autre livre, il dit, il commence par Al-Qaraba, puis il mentionne Al-Nikah en deuxième, puis Al-Wala en troisième. Donc, peu importe l'ordre, c'est pas important. Qu'est-ce qui est important, c'est de savoir que c'est ces trois choses-là. Après, il dit, le point numéro 19, Tasi'a Ashar, يُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ أَنَّ الْمَوَارِثِ تَكُونُ بِحَسْبِ مَا قَدَّرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ فُرُوضِهَا ولا يزاد احد على حقه ولا ينقص من حقه كما قال الله كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فلا وصية لوارث فلا يجوز لصاحب المال أن يعطي أحدا من أولاده دون الآخر ولا يجوز له أن يوصي قبل موته لوارث من ورثته إلا بإذن الآخرين بعد الموت لأن المال صار لهم فلا يجحف في حقهم. Donc ici le cheikh il explique que parmi les points qu'on peut tirer de ces versets, il y a que les héritages sont distribués selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédéterminé comme proportion pour chaque personne. Et on n'a pas le droit ni d'augmenter, ni d'enlever dans ce qui revient à chacun et ce à quoi chacun a droit. On ne peut pas ajouter et on ne peut pas enlever. On n'a pas le droit d'ajouter, on n'a pas le droit d'enlever. Et le cheikh, il a cité un hadith ici qui est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah selon Abu Umama, radiyallahu anhu. Il a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah a certes donné à chacun son droit. Chaque personne qui a un droit, Allah lui a donné son droit. Alors, il n'y a pas de testament pour un héritier. » Il n'y a pas de testament pour un héritier. D'accord ? Donc, ça veut dire si quelqu'un fait partie des héritiers, il ne peut pas être désigné dans le testament du défunt. Et on a expliqué au dernier cours qu'il y a une différence entre al-irth ou al-wasiyya. Al-irth, c'est l'héritage qui est prédéterminé par la charia. Chaque personne a sa portion prédéterminée selon ce que Allah a déterminé dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Et al-wasiyya, c'est le testament. Al-wasiyya, c'est le testament. Et le testament, ça ne peut pas dépasser un tiers de la valeur de ce que possédait le défunt. Et celui qui peut recevoir quelque chose dans le testament du défunt ne peut pas faire partie des héritiers. Sinon, ce serait soit lui donner plus ou enlever quelque chose à quelqu'un d'autre parce qu'il a déjà sa part. Sa part a déjà été prédéterminée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'héritier peut pas, le défunt ne peut pas désigner celui-là pour lui donner quelque chose de spécial ou différent ou plus que ce que les autres vont recevoir parce que il a déjà son droit. Donc, tu ne peux pas le désigner dans ton testament. Ceux qui peuvent être désignés dans le testament sont seulement des gens qui sont en dehors des héritiers. D'accord ? C'est clair ? Ok. Donc le cheikh, il dit, il n'est donc pas permis à celui au détenteur de l'argent, c'est-à-dire le défunt, de donner avant sa mort à un de ses enfants en dehors des autres. Donc si quelqu'un, par exemple, il a 5 enfants, puis avant de mourir, il dit, toi je te donne, j'ai 4 maisons, toi je t'en donne une. Avant sa mort. Il ne peut pas faire ça. Comment quoi, un bonbon ou bien un gâteau ou quelque chose? Non, si c'est quelque chose qui n'a pas de valeur ou qui est quelque chose de comme un stylo qu'il a, il dit tiens, prends mon stylo, je te donne mon stylo. Mais si c'est quelque chose qui va faire partie de ses richesses ou de ses biens, puis que lui, il va donner quelque chose à un de ses enfants qui va pas... Déjà, à la base, on doit être... Le parent, il est supposé d'être égal avec ses enfants. Donc, c'est pas correct qu'il donne à un, puis qu'il donne pas aux autres. Mais en plus, une fois qu'il est au bord de la mort, eh bien, à ce moment-là, ses biens, c'est comme s'ils sont plus à lui. Donc, il peut pas faire ce qu'il veut avec et donner à qui il veut. Et étant donné que ceux-là font partie des héritiers, Mais s'il donne quelque chose à l'un d'entre les héritiers avant de mourir, c'est comme si il prenait de l'héritage de l'un pour donner à l'autre. Et ça, c'est pas correct. D'accord? Et il dit, il n'est pas non plus permis au défunt, avant sa mort, de mettre un de ses héritiers dans son testament pour donner à l'un de ses héritiers quelque chose de plus que les autres ne vont pas avoir. Excepté si les autres héritiers ont donné leur permission, la permission, hein, au moment de la distribution de l'héritage. Donc le cheikh, il dit, « Illa bi ithni al-akharina ba'd al-maut » C'est-à-dire, si après la mort du défunt, si après sa mort, quand ils arrivent au moment de distribuer l'héritage, le testament, il a été écrit et on a désigné l'un d'entre eux pour lui donner quelque chose dans le testament. OK? Et les autres sont présents, puis ils disent, d'accord, on accepte. C'est correct, il peut le prendre. Alors, dans ce cas-là, il peut le prendre. Mais si les autres ne sont pas d'accord, alors il ne pourra pas le prendre. Je vois que tu riais. Tu pensais à quelque chose? Ok. Il dit, لِأَنَّ الْمَالِ صَارَ لَهُمْ فَلَا يُجْحَفْ فِي حَقِّهِمْ. Donc, il dit, pourquoi? Parce que l'argent, il n'est plus au défunt maintenant. Il dit, l'argent est, yani, aux héritiers en entier. Ça appartient aux héritiers. Donc, on ne peut pas leur enlever de leurs droits pour donner à l'un d'entre eux. Al-Ishroun. يؤخذ من هذه الآيات أيضا أن الميراث من مال القريب أو مال الزوج أو مال المعتق وهو الإرث بالولاء. فإنه يشمل القليل والكثير ولا يختص الميراث بالمال الكثير بل إنه أيضا يكون في أقل شيء. فلكل نصيبه لقوله تعالى مما قل أو كثر. Donc, comme je disais tout à l'heure, par rapport au stylo, là, si c'est un stylo qui coûte 10 000 dollars en or, ça c'est autre chose. Hein? Moi, je te dis, un stylo qui coûte 1 dollar, ça ne dérange pas, mais c'est comme si c'est un stylo qui vaut 10 000, là, hein, comme les stylos en or et je ne sais pas quoi. Ça, c'est autre chose, Yanni. Hein? Et ensuite, donc c'est ça qu'il dit ici, le cheikh, il explique que qu'est-ce qu'on peut tirer dans ce verset-là? Le point numéro 20, c'est que l'héritage, hein, l'héritage, ça fait partie des biens des proches, ou bien des biens du mari, ou bien que ça fait partie de l'argent ou des biens de celui qui a libéré l'esclave lorsque il hérite de son esclave qui a été émancipé ou libéré. Il dit wa annahu yashmalu al-qalil wa al-kathir. Ça veut dire que ça comprend que ce soit une grosse somme ou une petite. Hein? Parce qu'il y en a qui vont dire, ah, si c'est 100 000 dollars que le défunt il a laissé, ah oui, ça il faut le diviser, ça c'est important, il faut faire attention. Mais si c'est une petite somme, comme par exemple, il est mort, il a laissé 1000 dollars, là les gens vont dire, ah, ça c'est pas beaucoup, donc c'est pas grave. Yani, on va le diviser n'importe comment. Hein? Non, il faut faire les choses telles qu'il faut le faire, que ce soit une grosse somme ou une petite, que ce soit un grand bien ou un petit. Il dit, même dans les choses les plus petites, le cheikh il dit, chacun il doit avoir sa part. لقوله تعالى مما قل أو منه أو كثر. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, peu importe que ce soit de qu'est-ce qui est peu ou beaucoup. Il dit وقوله نصيبا مفروضا أي أن الله جل وعلا فرضه وقدره بنفسه سبحانه وتعالى ولم يكله إلى غيره مما يدل على حساسية هذه المواريث. Il dit, le cheikh, que Allah subhanahu wa ta'ala dit « nasiban mafrouda », c'est-à-dire une portion, hein, déjà prédéterminée. Et ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui l'a, hein, divisé, qui l'a prédéterminé lui-même. Il n'a pas laissé quelqu'un d'autre faire ça. c'est ce qui prouve que la chose est très sensible et que c'est quelque chose qui est très important. Donc, il faut faire attention dans ces choses-là. Parce qu'il y a des règles dans l'islam, c'est le juge qui va décider, par exemple, par rapport à des règles qui va déterminer qui va prendre quoi ou des choses de ce genre. Et ça revient parfois, il y a des choses qui sont reliées à la coutume dans une société quelconque, selon qu'est-ce qui est coutumier, selon qu'est-ce qui est connu dans cette société-là. Tandis que il y a d'autres choses, c'est la charia qui l'a déjà tranché. Donc on n'a rien à rajouter dedans, on n'a rien à enlever dedans. Et le dernier point, c'est le point numéro 21. Le cheikh il dit « Walhadi wal'ishroun » وفي الآيات دليل أيضا على أن التملك الفردية على أن التملك الفردية الفردية في الإسلام مشروع لأن الله جعل المال للإنسان في حياته فإذا مات صار لورثته والإرث هو أحد وجوه التمليك لأن التملك يكون بالإرث ويكون بالهبة ويكون بالكسب إلى غير ذلك. Donc ici le cheikh il explique que parmi les points qu'on peut tirer de ces versets là, il y a la preuve que on a le droit à la propriété privée en islam. On a le droit à la propriété privée en islam et que ça c'est quelque chose qui est légiféré, contrairement à d'autres systèmes économiques qui annule la propriété privée puis qui rend tout un bien public. Hein? Donc, beaucoup de pays qui ont adopté, par exemple, le système communiste, qui avait des propriétés, qui avait des biens, on les a désappropriés, on leur a enlevé ce qui leur appartenait pour en faire un bien public qui appartient à la nation, soi-disant. Hein? Donc, Allah musta'an, yani, c'est... C'est comme s'ils ont dit, on va enlever la catégorie des riches, puis tout le monde va devenir pauvre. Comme ça, personne ne va rien avoir. Et bien entendu, excepté les chefs du parti communiste. Hein? Donc, le cheikh, il dit donc qu'on a le droit à la propriété privée. Et le cheikh, il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala, يعني il dit جعل المال للإنسان في حياته. Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à l'homme ses biens durant sa vie et lorsqu'il meurt ces biens là deviennent les biens de ses héritiers et donc l'héritage fait partie des moyens par lesquels on devient propriétaire de quelque chose et il y a d'autres moyens également, soit le don, par exemple quelqu'un qui dit bon, par exemple, quelqu'un va dire, par exemple, moi je te donne ça, hein, ou je te donne un livre, ou je te donne... Une fois que la personne te fait don de quelque chose, c'est un cadeau, ça veut dire qu'il t'appartient à partir de ce moment-là. Si, par exemple, quelqu'un, tu travailles pour un salaire, hein, donc tu fais un travail et tu t'entends avec la personne pour qui tu travailles, une fois que tu auras accompli ce travail-là, tu vas avoir tel salaire pour. Donc, quand tu vas avoir fait le travail, il va te donner ton salaire. Ça, c'est un des moyens par lesquels tu peux aussi acquérir des biens et de l'argent et devenir propriétaire de quelque chose. Et le commerce et d'autres façons de gagner aussi de l'argent. Ça fait partie des moyens qui sont licites du moment que les transactions sont basées sur des choses qui sont licites. D'accord? Et qu'est-ce qui est interdit? C'est de prendre de force ou de voler ou de voler de façon voler de façon légale ou illégale. Comme si les façons illégales c'est clair, voler c'est voler. Mais des fois, il y a des vols qui sont légalisés. Quand l'État se permet de prendre l'argent des gens dans leur salaire ou dans leur poche, de leur faire payer des taxes, des impôts, ça fait partie du vol. Hein? Même si eux, ils disent non, ça c'est pour le bien de la société parce qu'on fait retourner cet argent-là aux gens. Ok, peut-être qu'il y a cette logique derrière, sauf que si les gens veulent donner d'eux-mêmes, c'est à eux de le faire. S'ils ne veulent pas donner, ils ont le droit de ne pas donner. D'accord? Et il y a d'autres moyens d'organiser les choses sur le plan volontaire. Hein? Si ceux qui veulent aider la société ou faire partie de cette organisation-là, ils peuvent le faire, surtout les gens qui ont beaucoup d'argent, les riches et tout. Mais sinon, d'imposer à tout le monde de payer des taxes ou de payer des impôts, ça c'est une forme de vol. Non, c'est une forme de vol. Surtout quand tu vois, par exemple, des gens qui... Quand, par exemple, tu achètes une maison, tu achètes une terre, il faut que tu payes des taxes sur la terre. Pourquoi il faut que tu payes une taxe sur cette terre? Elle appartient à toi. Tu dois payer des taxes à la ville ou à l'État pendant toute ta vie même pour continuer à pouvoir habiter sur cette terre-là. Parce que ça appartient à la reine, à la base. Donc c'est comme si tu la loues. Hein? Des fois, il y a des choses que les gens, beaucoup de gens, par exemple, moi je suis né dans ce pays, par exemple, au Canada, je me suis jamais posé la question pourquoi les choses sont comme ça avant. Hein? Avant d'être musulman, je me suis jamais posé la question pourquoi on paye des taxes. On paye les taxes parce que tout le monde paye les taxes, et puis c'est comme ça le système, et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on n'a jamais essayé de remettre en question ce système pour savoir pourquoi. Et est-ce que c'est basé sur quelque chose que Allah a révélé ou non? Hein? Donc tout ça c'est pour dire, yani, alhamdoulillah, yani, que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit en islam de consommer les biens des autres de manière injuste et de manière illicite. D'accord? Mais bien entendu, yani, quand on vit dans un système comme ça, on est un peu à la merci, hein, de ces choses-là. Et celui qui veut s'en sauver, il n'a qu'à partir ailleurs. C'est la seule solution. Ouais, la plupart, il y en a, mais disons qu'il y en a que c'est peut-être moins qu'ici. Moins qu'ici, ouais. Non, il y a des pays où on paye plus, il y a des pays où on paye moins. En tout cas, on n'en parle pas, on en parlera une autre fois. Le sujet maintenant, c'est pas ça. Maintenant, on a fini. Donc, les points, les 20 points, les 21 points qui ont été mentionnés par rapport à ces versets-là, de 5 à 7. Maintenant, on va lire les versets de 8 à 11. Donc, je vais les lire, et puis après, on va lire la traduction, puis l'explication par la suite, Inch'Allah. Donc, le cheikh, il dit, « Thumma qala ta'ala, وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Donc, on va lire maintenant la signification ou la traduction des sens de ces versets. Donc, c'est de 8, hein, de 8 à 11, on a dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets ce qui signifie, et lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux, attends, c'est le verset 8. C'est ça. Et lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux assistent au partage, offrez-leur quelque chose de l'héritage et parlez-leur convenablement. Non, c'est ça. Oui, que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible et qui seraient inquiets à leur sujet, qu'ils redoutent donc Allah et qu'ils prononcent des paroles justes. Ceux qui mangent, hein, c'est-à-dire qui disposent injustement des biens des orphelins, ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Voici ce que Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Aux fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elles alors la moitié. Quant aux pères et mères du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. Et s'il n'a pas d'enfant et que ses pères et mères héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu'il aura fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est certes omniscient et sage. Donc, on va commencer à lire maintenant le tafsir de ces versets-là. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit « Fi hadhihi l'ayat yaqulu subhanahu » وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه جاء هذا بعد قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فلما جعل الله سبحانه وتعالى مال المتوفى مقسوما بين ورثته من الرجال والنساء وكان هذا المال الذي يأخذه الوارث مالا متجددا حصل له من غير تعب وحضر عند القسمة ناس محتاجون من الفقراء واليتامى وغيرهم فإنه يشرع لأصحاب تلك المواريث أن يرضخوا لهؤلاء الفقراء بأن يعطوهم ما يدفع تطلعهم ورؤيتهم لهذا المال وليكون ذلك أجرا لهم عند الله سبحانه وتعالى وهذا مثل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده فكل من تجددت له نعمة فَإِنَّ مِنْ شُكْرِهَا أَنْ يُعْطِي مِنْ مَنْ حَضَرَ حُصُولَهَا مِنَ الْمُحْتَاجِينَ. Donc ici, le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit donc dans ces versets-là que si parmi les gens qui assistent à la distribution de l'héritage, il y a des proches, des orphelins et des pauvres, alors donnez-leur quelque chose, un peu de cet argent-là que vous allez recevoir. C'est-à-dire, faites-leur un geste de charité, hein, un geste d'aumône. Et il dit que ce verset-là, ça vient après le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement, les hommes ont une portion de ce que leurs proches ont laissé. Aux hommes revient une part de ce que les pères et mères ont laissé, ainsi que les proches, et aux femmes une part, hein, une part de ce que les pères et mères ont laissé, ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. Et donc, il dit, le cheikh, que après avoir dit ça, le cheikh, il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que, une fois que les biens du défunt sont divisés ou distribués, entre les héritiers, hommes et femmes, eh bien, celui donc qui reçoit de l'argent de cet héritage-là, il obtient un bien renouvelé pour lui. C'est-à-dire, quand on dit un bien renouvelé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un nouveau bien pour lui, c'est comme une richesse nouvelle qu'il vient d'acquérir. Et pour cette richesse-là, il ne s'est pas fatigué. Il n'a rien fait pour l'avoir. C'est-à-dire, il n'a pas eu besoin de travailler pour avoir cet héritage-là. On lui donne comme ça. Hein? Donc, une fois qu'il assiste, hein, une fois qu'il vient de recevoir cet argent-là et qu'il y a en présence des gens qui sont là, qui ont assisté à la distribution et qui, eux, font partie des pauvres et des orphelins ou des gens dans le besoin et ainsi de suite, eh bien, il est légiféré pour les gens qui reçoivent de cet héritage de donner un peu d'argent en charité à ces pauvres pour enlever le fait qu'ils voient l'argent qui est distribué, hein, et yani, peut-être l'envie ou l'envie ou bien du fait que eux ils voient ça, ils voient ces sommes d'argent là en train d'être distribuées, hein, peut-être que ça pourrait causer en eux un peu de jalousie ou bien un peu d'envie, hein, et du fait que tu leur en donnes un peu, ça enlève ça, ça calme ça dans leur cœur. Et il y a en même temps une récompense pour toi auprès d'Allah du fait que tu leur donnes de cet argent-là aussi. Et c'est comme les récoltes. Quand les cultivateurs font leur récolte, hein, et qu'ils ont terminé les récoltes, eh bien, le jour de récolte, c'est bon de donner la zakat de ces récoltes-là et de donner, de donner aussi en charité aux pauvres une partie de cette récolte, hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa atu haqqahu yawma hasadihi, hein? Et donc toute richesse ou tout bien qui est renouvelé ou qui te vient nouvellement, eh bien il faut faire preuve de reconnaissance par rapport à ce bien là et parmi les façons de montrer cette reconnaissance, il y a le fait de yani donner en charité et en aumône aux gens qui sont dans le besoin. Ensuite, le cheikh il dit ثم قال سبحانه وقولوا لهم قولا معروفا اي ليكن اعطاؤكم اياهم هذا العطاء من غير من ومن غير اذى بل يتبعه قول معروف كما قال سبحانه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى وقيل المراد أنكم إذا لم تعطوهم من المال شيئا فطيبوا خواطرهم بالكلام الطيب وقولوا لهم قولا معروفا ويكون في هذا العطاء لهم شكر لله سبحانه وتعالى ويكون فيه صدقة على المحتاجين ولم يبين مقدار ما يعطون لأن هذا راجع إلى ما تطيب به نفس المعطي. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite dans le verset et dites-leur une parole bonne, hein, une parole de bien. C'est-à-dire que lorsque vous allez leur donner de cet argent, eh bien, faites en sorte que ce ne soit pas avec le fait de rappeler la faveur ou de leur faire offense. C'est-à-dire, des fois, il y a des gens qui donnent à quelqu'un, puis ils vont leur faire le rappel de cette faveur-là tout le temps. Ça, c'est pas correct. Hein? Parce que ça crée du tort à la personne, puis en même temps aussi ça annule la sincérité de l'action aussi, parce que tu es toujours en train de renoter la faveur que tu as fait à la personne, hein, tu te rappelles je t'ai donné, je t'ai fait ça, donc ça c'est pas correct, parce que si tu donnes, en principe tu dois donner pour Allah, pas pour autre chose. Et en même temps, c'est une offense pour la personne parce que c'est comme si tu es en train de toujours lui rappeler que tu lui as donné, comme si tu l'as fait se sentir mal à cause de ça. Donc, tu dois plutôt, une fois après avoir donné à ces gens-là qui sont dans le besoin, leur dire une parole de gentillesse, une parole de bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset justement 263 dans Sourate Al-Baqarah quelque chose à ce sujet-là justement. Il dit: une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Hein? Une aumône suivie d'une offense avec les paroles. Parce que c'est quelque chose qui est mesquin, hein? De donner à quelqu'un quelque chose, puis après de lui dire une parole mauvaise, ou de lui donner, de le rabaisser ou de l'offenser, hein, par ta parole. Et donc, fais en sorte que ce don que tu fais, hein, parce que certains ulama ont dit que ça voulait dire que si jamais, par exemple, tu n'avais pas donné rien à ces gens-là, mais à la limite, au moins, tu vas leur dire une parole qui est bonne. Tu vas leur dire quelque chose de gentil, hein, une bonne parole, pour qu'ils se sentent bien et pour qu'ils soient, yani, pour qu'ils ne soient pas offensés. Et donc, une parole de bien. Et il dit que si tu leur donnes, c'est pour être reconnaissant envers Allah. Et c'est une aumône que tu donnes à ceux qui sont dans le besoin. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas clarifié la portion ou la quantité ou la valeur de ce que tu devrais leur donner. Et il dit pourquoi? Parce que ça revient en réalité à ce que toi tu as envie de donner. Comme qu'est-ce que tu ressens en toi-même de donner à cette personne-là. Donc c'est toi qui donnes la portion de l'argent que tu veux. Tu peux donner aux pauvres beaucoup comme tu peux donner aux pauvres peu. Hein? Des fois, par exemple, un jour tu te sens vraiment généreux, hein? Ou bien tu as beaucoup d'argent, tu dis, bon, là je suis à l'aise, je suis bien, j'ai envie d'aider quelqu'un, là tu lui donnes une grosse somme. Hein? Je dis, je vais lui donner telle somme. Hein, j'ai beaucoup d'argent, ça ne me dérange pas. Hein, ça me fait plaisir de l'aider et de lui donner plus. Et un autre jour, Yanni, tu dis, ah, Yanni, je voudrais bien lui donner plus, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je lui donne seulement un peu d'argent. Qu'est-ce que je suis capable? Et donc, tu donnes à chacun qu'est-ce que tu peux. Puis, qu'est-ce que toi tu as envie de donner, c'est toi qui décides. C'est sûr, plus que tu donnes, plus que la récompense sera grande. Et le cheikh, il dit, « ثم قال سبحانه « وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ قِيلَ إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ يَحْضُرُونَ عِنْدَ الْمُتَوَفَّى فِي حَالَةِ النَّزَعِ فإنهم ينبغي لهم أن ينبهوا على أن يوصي بما يجري له أجره بعد موته من المال، وأن يحذروه من الجور في الوصية، بل إنهم يرشدونه إلى ما لا ضرر فيه على الورثة وفيه نفع للميت. وذلك بأن يوصي بشيء من ماله في حدود الثلث فأقل، ويكون ذلك لغير وارث، ويرشدونه إلى ذلك، وينبهونه إلى ذلك، ويحذرونه من الحيف والجنف في الوصية، لما في ذلك من الإثم، وعليهم أن يتذكروا لو أن أولادهم من بعدهم حصل عليهم جنف في الوصية وحيف فيها ماذا تكون حالهم لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فعليهم أن يحسنوا في توجيه المحتضر بأن يوصي بما لا ضرر فيه على ورثته ولا إجحاف وقيل إنها عامة لكل الناس في أن لا يسيئوا إلى الأيتام الذين فقدوا آباءهم بل عليهم أن يحسنوا إليهم وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا تَحْتَ وِلَايَتِهِمْ فَإِنَّ لِلْيَتِيمِ حَقًّا عَلَى إِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنْ يُحْسِنُوا إِلَيْهِ وَلْيَتَذَكَّرْ هَؤُلَاءِ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ بِمَثَابَةِ هَؤُلَاءِ الْأَيْتَامِ فَإِنَّهُمْ لَا يَرْضَوْنَ أَنْ يَنَالُهُمْ ضَرَرٌ أَوْ يَمَسُّهُمْ مَكْرُوهٌ فهذا وجه في تفسير الآية. وقيل إن المعنى إن معنى الآية توجيه لأوصياء الأيتام على الأيتام الذين يتولون أمر الأيتام عليهم أن يحسنوا إليهم ويربوهم التربية الحسنة ولا يسيئوا إليهم وأن يحفظوا أموالهم ويعتبروهم كأولادهم وعليهم أن يتذكروا أن لو كان أولادهم من بعدهم أيتاما صار عليهم وصي أساء إليهم وفرط في أموالهم هل يرضون بذلك؟ فإذا كانوا لا يرضون بذلك لأولادهم فلا يرضونه لأولاد إخوانهم من المسلمين من باب أولى. فهذه وجوه ثلاثة لتفسير الآية وهي تحتملها كلها. كلها. Donc il dit le Cheikh ici que Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc dans le verset suivant, c'est-à-dire le verset 9, que la crainte saisisse celui qui laisserait après eux une descendance faible et qui serait inquiet à leur sujet, qu'il redoute donc Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il prononce des paroles justes. Le Cheikh il a mentionné trois tafsirs pour ce verset-là, ou trois significations qui ont été mentionnées par les savants de tafsir au sujet de ce verset. Le premier, il a dit que certains ulama ont mentionné que ce verset-là était descendu ou révélé à propos de ceux qui sont présents au moment de la distribution, plutôt pas de la distribution de l'héritage, mais au moment de la mort, hein, au moment de la mort du défunt, c'est-à-dire avant qu'il rende l'âme, hein, lorsqu'il est dans l'agonie, en train de rendre l'âme, à ce moment-là, ils doivent lui faire donner des bons conseils. Au moment de la mort, quand il est proche de la mort, ils doivent commencer à lui donner le bon conseil et ils doivent lui enjoindre de bien gérer et d'être juste avec l'argent qu'il laisse pour ses héritiers après sa mort et de ne pas faire d'injustice dans son testament et ils doivent l'orienter donc à ne pas faire de tort aux héritiers dans ce qu'il laisse comme bien, hein, pour les héritiers, et que ça c'est quelque chose qui est profitable pour le mort lui-même, parce que le fait d'être juste c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime et qui sera donc récompensé. Et donc il dit que ils doivent donc donner au défunt ou à la personne qui est en train de mourir le bon conseil par rapport à ses biens, qu'il ne doit pas par exemple dépasser le tiers de ses biens pour le testament. Donc il donne un tiers ou moins, hein, ou moins que le tiers par rapport au testament. Et que ça doit être à quelqu'un qui ne fait pas partie des héritiers. Et ils doivent donc l'orienter dans ce sens-là et lui faire porter son attention sur ça et l'avertir contre l'injustice dans le testament. Et que ça fait partie d'un péché d'agir comme ça. Et ils doivent également lui rappeler que les enfants... Hein? Que yani les enfants il dit an yatadhakkaru law anna awladahum min ba'dihim hasala alayhim janafun, c'est ça. Donc il dit, il doit se rappeler que ses enfants après lui, si lui il fait des injustices à ses enfants, eh bien ça pourrait peut-être faire en sorte que les enfants ils vont se rappeler de ça après et que yani ça va rester avec eux un mauvais exemple, mauvais comportement. Peut-être que eux, par la suite, également, ils vont être tentés de vouloir être injustes aussi par la suite pour se venger de ça. À la kulli hal, il dit donc et de penser donc que s'il a des enfants qui sont faibles après lui, qui vont rester après lui, hein, qu'il a peur pour eux. Donc il doit faire du bien et ceux qui sont présents doivent l'orienter de ne pas faire de tort à ses héritiers. Ça, c'est la première explication que le cheikh a donnée. L'autre explication qu'il a donnée, la deuxième, c'est que c'est un verset qui est dans le sens général pour tout le monde. Et que c'est par rapport au fait de ne pas être mauvais envers les orphelins qui ont perdu leur père. Ils doivent être bons envers les orphelins et ils doivent être bons envers ceux qui sont sous leur responsabilité. S'ils ont des enfants à leur charge qui sont des orphelins, hein, parce que ce sont leurs frères en islam et ils doivent donc être bons envers eux et se rappeler que donc il dit peut-être que lui par exemple qui s'occupe de ces orphelins là il doit se dire que quand lui il va mourir et que si jamais il laisse des enfants qui sont orphelins, ils seront orphelins eux aussi. C'est-à-dire que s'il meurt, ses enfants seront eux aussi des orphelins. Et que de la même manière que il n'aimerait pas que quelqu'un soit injuste ou fasse du tort à ses enfants à lui, hein, alors il doit se rappeler que il ne doit pas lui non plus faire d'injustice ou du tort à cet orphelin-là qui est sous sa responsabilité aussi. Donc c'est comme pour dire, de la même manière que tu voudrais pas qu'on soit injuste envers tes enfants s'ils étaient orphelins, mais sois juste envers les enfants des autres qui sont orphelins aussi. Et une autre explication qui a été donnée, c'est la troisième dans la signification de ce verset-là, c'est que c'est une orientation pour les gens qui sont chargés de s'occuper des orphelins, hein, et qui vont s'occuper des orphelins, d'être bons envers eux et de bien les éduquer, et de ne pas leur faire de tort, et de bien garder leurs biens, et de les considérer comme leurs propres enfants, et de se rappeler que, c'est comme on a dit tout à l'heure, que si eux aussi, ils mouraient, et que quelqu'un devait s'occuper de ses enfants, et qu'il agissait mal envers ses enfants après lui, est-ce qu'il serait satisfait de ça? Donc, s'il ne serait pas satisfait de ça pour ses enfants à lui, donc il doit également ne pas être satisfait de ça pour ses enfants, pour les enfants des autres, parmi les enfants des musulmans, encore plus encore. Hein? Donc, ça, c'est trois interprétations qui ont été mentionnées qui sont dans un sens assez proche, certains d'entre eux sont proches de l'autre, mais ça explique un peu le sens de ce verset-là. Le cheikh, il explique ensuite la partie suivante. Il dit: Wa qawluhu falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Yani taqwallah subhanahu wa ta'ala kalimatun jami'atun li kulli khisal al-khayri. من فعل الواجبات وترك المحرمات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات وسمي التقوى لأنها تقي الإنسان من عذاب الله سبحانه وتعالى وواجب على الإنسان أن يتقي الله في كل حالة وفي هذه الحالة حالة الذين يتولون الشؤون الأيتام أو الذين يحضرون الميت عند وفاته وهو بحاجة إلى الوصية أو عموم الناس مع الأيتام عليهم أن يتقوا الله في كل هذه الأحوال وأن يخافوا من عقابه سبحانه وتعالى وليقولوا اللام في الموضعين لام الأمر ولهذا جزم الفعل المضارع بعدها وعلامة جزمه حذف النون قولا سديدا. أوكي on va revenir à ça. Donc le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, et donc qu'ils se préservent d'Allah et qu'ils disent une parole de droiture. Et le terme Hein, falyattaqullah, c'est-à-dire c'est la taqwa, le fait de faire preuve de taqwa, c'est de se préserver d'Allah. At-taqwa, c'est un mot qui a un sens général dans l'islam et qui comprend toutes les caractéristiques et toutes les formes de bien qui soient. Et c'est-à-dire de faire les actes d'obligation, qui sont des obligations, et de délaisser les choses qui sont interdites dans le but de se rapprocher d'Allah par les obéissances. Et le cheikh, il dit qu'on l'appelle taqwa. Pourquoi? Parce que le fait de faire ça, faire ce qui est ordonné, s'écarter des interdictions, c'est une protection pour l'être humain contre le châtiment d'Allah. Et il dit, le cheikh, que c'est une obligation donc pour l'être humain du fait qu'il se préserve d'Allah dans toutes les situations et par rapport à toutes les choses. Et dans le contexte de ce qu'on est en train d'expliquer ici, la taqwa consiste à bien gérer les affaires qui concernent les orphelins et ceux qui sont présents lorsque quelqu'un meurt, hein, lorsqu'ils assistent à sa mort ou bien à tout ce qui a rapport avec sa mort et son héritage ou son testament ou des choses comme ça. Ou également, de façon générale, tous ceux qui ont un rapport avec les orphelins, qu'ils se préservent d'Allah dans toutes ces situations-là et qu'ils craignent son châtiment. Et qu'ils disent une parole de droiture. Qu'ils disent, le cheikh, il dit, « Wal yaqulu le lam » Hein? Wal yaqulu, le lam, c'est lamul amr, c'est le lam impératif, et c'est pour cette raison que le verbe est majzoum, c'est-à-dire en tout cas ici on dit majzoum bi hadf, hein? Alamatu jazmihi an hadf noun, on enlève le noun parce que à la base c'est yaqulun, mais plus qu'il y a le lamul amr, on dit وَلْيَقُولُ, donc on enlève le noun. Donc حَدْفُ النُّون ici c'est le signe du jazm. Oui, c'est ça. Ensuite il dit وَقَوْلًا سَدِيدًا الْقَوْلُ السَّدِيد هُوَ الْقَوْلُ الصَّوَابَ فَعَلَيْهِمْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظْ لِسَانَهُ مِنَ الْكَلَامِ الضَّارِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ وَلْيَتَّجِهْ إِلَى الْكَلَامِ الَّذِي إلى الكلام الذي فيه مصلحة له ومصلحة لغيره كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Il dit, le cheikh, que de dire une parole qui est sadid, ça veut dire une parole qui est correcte, une parole qui est droite. Hein? Il dit, هو القول السديد هو القول الصواب. الصواب, c'est qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est droite, qu'est-ce qui est bien. Donc, dit une parole de droiture, une parole correcte. Et il dit, sinon tu dois garder ta langue de dire des choses qui sont nuisibles ou blessantes pour les gens et plutôt orienter, hein, les gens à dire une parole dans laquelle il y a un bien pour toi et pour les autres. Si dans ta parole il n'y a pas de bien, ni pour toi ni pour les autres, dis-la pas, hein, tais-toi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Hurayra et Al-Bukhari et Muslim l'ont rapporté également selon Abu Shurayh Al-Adawi, radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque d'entre vous, ou plutôt quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et ensuite, on est rendu à... On est quelle heure, là? 8h05. OK, il dit... ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى مُتَوَعِدًا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْأَيْتَامِ وَيَنْتَهِزُونَ ضَعْفَهُمْ وَقُصُورَهُمْ وَصِغَرَهُمْ فَيَعْبَثُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَذَّرَهُمُ اللَّهُ وَتَوَعَدَهُمْ بِأَشَدِّ الْوَعِيدِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فعلى ولي اليتيم أن يتقي الله فيه وأن يحفظ له ماله ولا يأكل منه إلا ما أذن له الشارع به في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أباح له الأكل من مال اليتيم إذا كان وليا عليه ويعمل فيه أن يأكل منه بشرطين الشرط الأول أن يكون الولي فقيرا والشرط الثاني أن يكون أكله محددا بالمعروف أي بما جرت به العادة لأمثاله من غير إسراف ولا تبذير ولهذا قال ظلما قيده بقوله ظلما ليخرج بذلك الأكل المأذون به شرعا بالشرطين المذكورين. Donc ici le cheikh il explique que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné en menaçant ceux qui consomment les biens des orphelins et qui utilisent ou qui profitent de leur faiblesse et du fait qu'ils sont petits pour jouer avec leur argent et se permettre de prendre cet argent-là pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il avertit, il met en garde et il met une menace sévère pour ceux qui font cela. Dans le verset 10, il dit donc, « Ceux qui consomment les biens des orphelins injustement, ils ne font que consommer du feu de l'enfer dans leur ventre et ils brûleront dans la fournaise, dans l'enfer. » Et le cheikh, il dit donc que le responsable de l'orphelin doit craindre Allah, subhanahu wa ta'ala, et il doit préserver les biens de l'orphelin et ne pas consommer rien de ces biens-là, excepté ce qui a été permis par Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 6 dans Sourate An-Nisa. Et s'il est pauvre, qu'il mange selon la coutume, selon ce qui est bien. Et donc, Allah a permis à celui qui est pauvre de manger un peu de cet argent de l'orphelin lorsqu'il est responsable de cet orphelin-là et de travailler dans cet argent-là aussi, c'est-à-dire pour le faire augmenter. Et il dit qu'il y a deux conditions pour qu'il puisse manger de cet argent. La première, c'est qu'il est pauvre. Et le deuxième, c'est-à-dire que celui qui est en charge de cet orphelin-là, il doit être pauvre. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est qu'il doit uniquement manger de cet argent selon ce qui est déterminé par la coutume, et c'est-à-dire ce qui est connu comme ce qui est coutumier dans cette société-là et qui ne va pas tomber dans l'excès. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ce qui ne va pas tomber dans l'excès ou dans le gaspillage de cet argent. Et on a expliqué également dans les cours précédents que ça pouvait être déterminé par un juge dans une société musulmane, dans un tribunal musulman. Le juge, il va déterminer quelle portion d'argent ou quelle valeur cette personne a le droit de prendre. D'accord? Parce que chacun il a un revenu selon, pas un revenu, mais chacun il a une coutume dans la façon comment il dépense ses biens selon son niveau ou selon sa richesse. Par exemple, quelqu'un qui est aisé, qui est riche, ses dépenses, c'est pas les mêmes que quelqu'un qui est de la classe moyenne et quelqu'un qui est pauvre. Donc chacun il va dépenser selon ce qui est coutumier pour lui. Par exemple, quelqu'un qui est pauvre, il va acheter des meubles qui correspondent à son niveau, à qu'est-ce qu'il est capable de se permettre. Si quelqu'un il est de la classe moyenne, il va se permettre des meubles qui vont avec sa maison. La même chose pour quelqu'un qui est riche, il va acheter des maisons qui correspondent à ce qu'il est capable d'acheter. Et tu ne peux pas demander aux riches d'acheter les meubles des pauvres ou aux pauvres d'acheter les meubles des riches. Chacun, il fait avec ce qu'il selon son niveau. Et le cheikh, il dit ensuite, donc, « Abaha lahu al-akl ». Donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné deux conditions. La première, on a dit, c'est d'être pauvre, et la deuxième c'est de prendre selon la proportion qui a été permise par Allah subhanahu wa ta'ala, selon la coutume, sans excès. Et il dit, il ne faut pas que ce soit non plus de façon injuste. Et donc, il a mentionné, c'est-à-dire zulman, injustement, pour distinguer entre ce qui est acceptable et ce qui a été permis et ce qui n'a pas été permis lorsque les deux conditions qu'on a mentionnées ne sont pas respectées, ça devient de l'injustice. C'est ça que ça veut dire. إنما يأكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا. Ça, on va le laisser pour le prochain cours, inshallah. Donc on va s'arrêter aujourd'hui ici. On continuera la suite pour le prochain cours بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.